apercevoir ce temps qui ne s'arrêtait pas, ces mots d'amour qu'on n'oublie pas. Elle m'a fait marcher dans ses rêves et croire en ce jour qui se lève, bien plus que ces vents froids d'hiver, bien plus qu'un geste de poussière. Par tous nos pas.